Il voulait se faire plaisir avec un tour du monde, mais tant qu'à faire, en étant utile à quelque chose. Clémentine Bacry, avocate, et Adrien Normier, jeune pilote de ligne, ont eu l'idée de s'envoler dans un tout petit avion, un ultra-léger motorisé, en proposant leur service à la communauté scientifique. Ils ont été submergés de demandes de chercheurs en France et à l'étranger. Et les voilà partis, en Islande, au Groenland, au Canada, où ils ont observé les baleines du Saint-Laurent, en soutien à une équipe d'océanographes qui ne pouvait étudier leur sujet qu'au ras de l'eau. Du ciel, Clémentine et Adrien les ont aidés à repérer les cétacés plus facilement, les identifier. Pendant 3 semaines, à bord de leur ULM, ils ont guidé les bateaux de recherche. Les scientifiques pouvaient ainsi approcher les baleines pour effectuer de petits prélèvements et mesurer le taux de toxines. De là-haut, les deux pilotes se sont régalés au spectacle des baleines gigantesques, mais aussi des dauphins, des phoques, des fous de bassin qui pêchent en bataillon. Une autre fois, en Indonésie, ils ont survolé le volcan Krakatoa avec des appareils de mesure. Cela a permis de se rendre compte que le Krakatoa est le plus gros émetteur de dioxine de soufre de toute l'Indonésie. En Amérique du Sud, Clémentine Bacry et Adrien Normier ont même fait une découverte à laquelle les chercheurs locaux ne s'attendaient absolument pas. Juste après avoir traversé la cordillère des Andes, on atterrit à Caral, au nord de Lima. Et là, on a une équipe de scientifiques qui travaille sur un site archéologique nouvellement découvert qui s'appelle Caral, qui aurait 5000 ans, contemporain des pyramides d'Égypte. C'est toute une vallée. Alors, les archéologues nous demandaient de faire une cartographie de cette vallée avec des photographies. Lors de ces vols, on a découvert plein de choses qui se voient du ciel et qui ne se voient pas du sol. D'immenses dessins faits de pierre. C'est du désert de cailloux. Donc quand on se promène à pied, on ne voit rien. Et quand on est en l'air, on voit des suites de symboles. Le plus gros qu'on a trouvé fait 70 mètres de long pour une vingtaine de mètres de large. Et quand on est au sol, quand on marche dessus, si on ne sait pas que c'est là, on ne le voit pas. Adrien Normier et Clémentine Bacry ont fait la démonstration qu'il n'était pas nécessaire de dépenser des centaines de milliers d'euros pour ces recherches. Leur service était gratuit, en échange du gîte et du couvert et de rencontres privilégiées. Une sorte de vie ma vie de scientifique.